Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec l'allon des ondes. Et comme à l'habitude, en début de deuxième heure, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous ou de vous offrir un deux heures de musique franco-canadienne. Merci au réseau RFA de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO La Radio de l'Université d'Ottawa et CFRH la radio francophone du comté de Simcoe en Ontario. En vol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, Radio Cité 97.9 Edmonton en Alberta, CLS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR Yalonave, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, mes contacts d'artistes francophones, vous m'envoyez ça à canrockcdn@commercial.gmail.com. Triste nouvelle qu'on a appris cette semaine. Il y aura un changement de cap à la PCM. Nathalie Bernardin, directrice générale de la PCM depuis presque 10 ans, a décidé de quitter la PCM pour vivre de nouvelles expériences. Elle a travaillé très fort pour faire en sorte que les artistes rayonnent énormément. Donc, merci de tout ce beau travail, ma chère Nathalie. Et on te souhaite le meilleur de baisse dans tes prochains projets à venir. On va s'ennuyer de toi un peu. Et elle a travaillé très, très fort. Et je pense qu'aujourd'hui, la PCM, elle a fait un très bon pas vers en avant. Donc, à suivre, bien sûr. Je lui dédie la prochaine chanson de La Cour au Jardin. Voici René Ray. Disparaît lentement derrière le comptoir. noir et gris. Un client impatient me demande si ça va. Une fois de plus, je meurs. Je dois être encore bonne pour sourire la plupart du temps. Je vois d'immenses bateaux prêts à quitter la terre. J'entends le cri des oiseaux au-dessus de la mer. Deux pieds plantés sur le quai, le temps y existe plus. Toujours cette voix. Je vois d'immenses bateaux prêts à quitter la terre. Deux pieds plantés sur le quai, le temps y existe plus. Toujours cette voix qui me rappelle la vie. Arriver plein de questions, les pourquoi de ce monde, toute une réflexion. Seul devant cette tombe, seul devant cette tombe, seul devant cette tombe. Il y a la plaque bronzée pour nous indiquer où est situé cet univers rêvé. Cet univers rêvé, cet univers rêvé. Mais Casablanca n'est plus. Casablanca n'est plus. Ils ont créé un monde, un désert imaginaire. Hollywood féconde, univers temporaire, univers temporaire, univers temporaire. Mais Casablanca n'est plus. Mais Casablanca n'est plus. Casablanca n'est plus. Casablanca n'est plus. Quand toutes mes cœur explosif. Surtout quand vient la nuit, on vit dans la même vie. Parfois il y a des ennuis, on dort dans le même lit, mais chacun a son bout. Ce soir on fait l'amour. Surtout quand vient la nuit, on vit dans la même vie. Parfois il y a des ennuis. Chacun a son bout. Ce soir on fait l'amour. Ce soir on fait l'amour. On vient d'entendre quelques bonnes nouveautés, soit premièrement Casablanca de Pomme Plastique 3 qui a été lancé tout récemment par l'auteur, compositeur, interprète Édouard Landry de la région de Sudbury. Donc, et puis j'ai eu un petit entretien avec lui, c'est assez intéressant parce que cet album-là a commencé à être créé en 2016 et entre-temps, il s'est aperçu que les chansons qu'il écrivait ne collaient pas à l'image de Pomme Plastique. Donc, il a fait un autre album qui s'appelle Escalade et puis il est revenu à la charge avec de nouvelles chansons qui fitaient mieux dans le moule de Pomme Plastique. Bref, c'est un auteur, compositeur, interprète talentueux avec beaucoup de vraiment là, beaucoup de belles chansons qu'il a écrites tout récemment. Donc, on est bien fiers de faire tourner ça ici à Canrock. Donc, Casablanca de M. Édouard Landry. On a entendu aussi On fait la moue. Ça, c'est d'Andrea Lindsay et Luc de la Rochelière. Voilà peut-être un an et demi, Andrea Lindsay est venu présenter son album jazz ici dans la région de Penetanguishene-Barrie. Et elle m'avait dit « Hey Marc, on commence à travailler sur un album ensemble, moi et Luc, ça devrait s'en venir bientôt ». Ben, il est sorti cet album-là, si vous allez sur Archambault Musique, vous faites tout simplement « S'il n'y avait que nous », Andrea Lindsay et Luc de la Rochelière. Très bon album, assez intéressant. Donc, allez faire un tour, allez découvrir ça, c'est magnifique. Je vous invite à le faire un tour sur ma page Facebook maintenant pour voir un clip de la chanson qui s'en vient. « Erase It Self », c'est de Jean-Cyan MG Trio. Très intéressant. Et on va terminer notre bloc avec tout simplement Michel Grégoire du Manitoba avec « Diversity ».